monde a changé. On en a besoin d'un seul, et on le plaque sur le sol avant qu'il ne se relève et qu'il crache.